en signe de soutien au communiqué du comité préparatoire du côté nord pour la conférence conjointe des organisations politiques et sociales et des personnalités du nord, du sud et d'outre-mer en faveur de la paix et de la réunification indépendante dans la paix sud-coréenne, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Baekdusan 2017, le comité suisse-coréen et le cercle suisse d'études des idées du Jutsi ont publié le 4 septembre une déclaration commune.